Hey, check ça ma frère. Yo, je pourrais prendre perpète vu toutes les prods que j'assassine. De peur que je leur prenne, beaucoup d'MC déposent leur cul à la SACEM. Marginal ou travailleur, tu seras traité comme de la merde. Si les Grassmates traitent un business, je serai élu homme de l'année. Ok, moi c'est ma rage que je dédé des balles. Ma rime furieuse, dédé des barres. Comme le sida pour l'homme, au micro je fais des dégâts. Donc restez calme, là c'est Mano, j'explose le vis, après je m'arrache. T'auras beau porter un baggy, j'ai que face à moi t'emmène pas là. Chaotique est ma vision, non non la bière ne me sourit pas. J'ai la douceur du vison et la haine d'un hooligan. Le moral pas au top, le cœur assez fragile. À part y'a pas de fête sans alcool, Mr. Cocktail va faire faillite. Mon rap c'est la finesse de l'argot et la fierté d'un toubab. Ils nous appellent la France profonde comme si on sortait d'un trou de balle. Toujours en force comme un dollar dans le pool à Sharon Stone. C'est Mano sous vodka qui comme sa tête attend toujours que la chance tourne. Y'a qu'en mangeant des crèmes dessert qu'on peut goûter à la Dolce Vita. Ça crève les yeux comme un bolchevique black. J'ai pas d'armes et je me prends pas pour Marc Dacasco sous la parc à cassos. J'ai des bouteries mais ma carte à 4 zones. Je veux me casser d'ici avant de finir sous cachet miskin. J'ai des textes qui cassent des villes si le cul entre caps et biscuits. En bas de chez moi je fais les 100 pas tel feu Thomas Miller. Et mes couplets n'exhaustent des vœux de connasse mineur. Je parle de la pluie et du beau temps d'Alain Chilot pétré. Je fais pas des sons dansants à la Chilot PD. Je traîne des casseroles pourtant je ne suis pas vendeur ambulant. À force de noyer mes soucis j'ai perdu temps. En buvant, je n'ai pas mes entrées dans vos soirées Bordeaux foie gras. Y'a pas de personnage à mon effigie dans World of Warcraft. Sache que nos cahiers regorgent de scénarios sombres, bien trop pertinents pour que tu vois nos gueules chez Artisson. Ouais, ouais, Kiyuki. Ici partant d'hiver, on se réchauffe tous en descendant d'hiver. Si la sentence dit vrai, on survivra pas à 100 ans d'hiver. Je débarque, j'ai tout fumé. Pour que j'ai ma dose, faudrait partir à dame. J'viens t'expliquer la chose avec le timbal de la famille Adams. Ma rime t'attaque, j'ai ramené des textes bafurés. Le calme, c'est comme l'acte entre un puceau et une pute. Ouais, ça peut pas durer. J'suis toujours dans la course, mais j'trouve que ça c'est pas du luxe. Ralentir, nous notre style de peinture, c'est Montana. Pas du luxe, Valentine, j'suis le genre de mec qui entre chaque mesure te place des grosses baffes. Là, c'est ta vodka comme K2R qui efface les pauvres tâches. Rapper, c'est dans mes cordes. Et j'ai pas besoin de rallonge, faudrait que j'perce mes manques de peau comme un lépreux. Bah ouais j'ai pas le bras long, tu te prends pour le boss. Mais y'a que dans les rues calme tu rôdes. MSD c'est de la frappe qui atterrit dans la lucarne du goal. Le soir pour s'endormir, on fait des rêves. De se faire la malle pour s'en sortir, on l'a dans l'os. Donc c'est pour ça que je rappe avec la moelle. L'armature. Ouais. On a le stylo précis quand on écrit de la street poésie. La concurrence fait tâche, qu'elle envoie son rap plus oppressif. L'homme a soif de conquête, il est temps qu'on abaisse les armes. On lui fera remballer, c'est à Hitler, César et César. Au choc, la France FN comme des sifflets sur la Marseillaise. On n'est pas de CMC qui se contente de brasser de l'air. Le grand public ne capte pas ce que le rap enseigne. Une ouverture d'esprit, c'est par là qu'on oriente sa pensée. On se tape de ton vieux buzz, on t'apporte des rimes pimentées. Une équipe qui s'entête à conserver un style qui transperce les âges et les ondes, même quand le message il est sombre. On s'applique, on a d'ambition quand il s'agit des sons. Trop dur de s'en passer, on redoute son absence à terme. On bosse dans cette ambiance où la rime et la conscience alternent. Là où il n'y a pas de thème, où parfois ça patine. Le but n'est pas de t'épater, encore moins de paraître sympathique.